Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Bonsoir amis RLMiens, RLMiennes, c'est Harry sur 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h avec toute l'équipe que vous connaissez maintenant avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comment ça va bien? Mais ça va bien toi? Bah parfait, ce soir évidemment tu vas nous parler de cinéma. Oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire? Bah, je vais vous faire une petite chronique rétrociné. Alors je sais que tu vas me demander l'année et je vais encore regarder sur ma tablette. Ouais voilà, voilà tu vas encore dépasser sur le temps de parole. Ben bah, oui c'est ça, donc de 93. Ah 93, ouais. Bien, ok. Et puis évidemment tu nous donneras envie ou pas de sortir au cinéma. Donc ouais, demain. Bah, j'espère quand même. Ouais ouais, j'espère bien. On est aussi également avec, alors on aime l'appeler notre stagiaire Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Ça va bien? Oui, et toi? Ouais, alors tu nous as préparé quelques petites interventions, je crois. Tu vas nous parler de deux événements. Ouais. Voilà, ah bah c'est super. Non, d'un groupe et d'un événement. D'un groupe et d'un événement, ouais, pardon. Voilà. Ce soir, vous le savez, vous l'attendez depuis très longtemps, c'est la chronique Mixage. Défimix, pardon. Défimix, voilà, notre ami Stéphache. Tu t'emmêles les pinceaux tout de suite. Oui, oui, mais on expliquera après pourquoi. Bonsoir, Stéphache. Bonsoir. Alors, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas le premier mardi du mois. C'est vrai, bah oui, oui, tu nous expliqueras pourquoi tu n'étais pas là la semaine dernière. Oh, pour des raisons de vacances. Ouais, mais je te rappelle que tu as des clauses. Donc, ce sera peut-être ma dernière. Hein. Voilà, donc rappelle le principe. Le principe du Défimix, c'est que je suis venu avec. Alors, je ne les ai pas recomptés, mais je veux dire peut-être 700 titres des années 80 à aujourd'hui. Vous allez tirer au sort 6 titres et, objectif pour moi, mixer ces 6 titres sur une seule session. Et ça promet encore bien du plaisir. Eh ben, on attend que ça, donc on fera le premier tirage au sort après ça. Oui, après 2 titres, il y aura Lips Inc. avec Funky Town et Boule Noire avec Aimer l'amour. Talk about it, talk about it, talk about it. FM. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM 107.9 FM. Toujours évidemment dans l'émission 120 au compteur avec Stéphane en Get Star ce soir, hein, comme une fois tous les mois pour le défi mix. Avant de procéder donc au tirage au sort, eh bien nous te retrouvons maintenant depuis deux semaines, c'est bien ça, sur l'antenne de RLM. Depuis trois semaines maintenant. Voilà, donc tu succèdes à Arnaud, tu précèdes Arnaud. Non, je précède Arnaud le samedi soir sur le créneau 20h-22h avec Mix H. Mm-hmm. Alors c'est le meilleur du son des années 80 aujourd'hui, bien sûr mixé au tempo. Voilà. Donc de quoi bien démarrer la soirée du samedi soir, puisqu'on enchaîne avec 2 heures de mix derrière avec Arnaud Tirard, qui nous fait 4 heures de mix non-stop. Eh bien ça tombe bien parce qu'Arnaud Tirard est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, je me suis trompé d'heure en fait. Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu en avance par rapport à demain en fait. Donc il vient nous faire la matinale ce soir. Voilà, tout à fait. Ben, bienvenue. Eh ben, écoute. Donc c'est un plaisir de recevoir donc Arnaud, hein, vous écoutez tous les matins de 7h à 10h sur l'antenne de RLM pour les matinales. Mais cette fois-ci c'est pour le tirage au sort donc, de la première session. donc du défi mix. Et on va bien s'amuser. Et ouais, donc on va demander donc à Arnaud de nous donner les deux titres tirés au sort. Alors, JD avec Plastic Dream et ensuite Calvin Harris. Eh oui, bah, il va falloir que tu nous le chantes quand même, JD. Oui, ça, le gros vrai. Problème, c'est que c'est musical. Eh bah, ben, tu peux le faire à la bouche. Mais si, tu peux. C'est. Oui. Allez, vas-y. Je passe mon tour. Marine chante très bien, donc on va la laisser chanter. Tout à fait, ouais. Doum. Bienvenue dans 120 commentaires. Et alors, et le deuxième, tu peux le, par contre. Ouais, je crois que je vais vous laisser à demain matin. Calvin Harris, tu peux nous le faire. Non, même pas. Ça se fait pas, ça s'écoute. Bon, Marine. Oui. Alors, Chumbawamba avec Tatum King. Ah, donc ça fait. J'en sais rien. D'accord, c'est pas. Je peux l'aider. Non, mais Sherlock peut peut-être nous aider sur le coup. I get no time to get it up there. D'accord, ok. C'était pendant la Coupe du Monde, je pense, c'est 98. Ok. Ok. Des secondes, Marine. Et ensuite Little Town Cell avec Nunu. J'ai fait les titres. Alors à mon avis, je crois que ça a été disque d'or en fait. C'est de l'électro, c'est plutôt la période. Alors c'est la sortie plutôt période New Beat House en ce moment. Ah ouais. Mais je me demande si c'est pas belge d'ailleurs, hein, parce qu'avec un titre comme ça, Nunu. Non, mais Nu, normalement c'est dire maintenant en flamand, hein, donc. Donc voilà, pourquoi pas. Alors moi c'est beaucoup plus simple, j'ai Coxo avec Step by Step. Ouais, c'est facile. C'est facile, hein. Step by Step, tout doudou, voilà, enfin bref. Le suivant, alors c'est un plus récent évidemment, c'est Camaro avec Femme Like You. Je sais que tu aimes le chanter, Sherlock. Ouais. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rap. Donne-nous de la musique, là, le temps que Stéphane il se prépare. Bon, on va repartir avec Soft Cell et Tainted Love et Ivanov avec Les Nuits Sans Soleil. Dans le noir, le vent vagabond balaye fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Eh oui, et bien maintenant, depuis maintenant 4 mois, évidemment, c'est l'émission 120 au compteur sur les ondes de RLM 107.9 avec toute l'équipe qui est là, évidemment, notre ami Sherlock, Stéphane, notre guest star, Marie, notre stagiaire, et Arnaud Tirard, qui est l'un des auditeurs assidus de notre émission. Oui, oui, tout à fait. Alors, on plaisante évidemment, Arnaud, vous connaissez cette voix suave que vous entendez tous les matins, entre autres, dans la matinale. Donc, est-ce que tu as quelque chose à me demander? Oui, mais ça sera hors antenne. Ah, voilà. Donc oui, donc les matinales donc de 7h à 10h. Alors vous savez que c'est bientôt donc la fête de la musique, et un événement qui nous touche à cœur et on vous en parle évidemment. Donc la fête de la musique, alors en Belgique c'est le 21 juin aussi, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense, oui. Ouais, mais en France, à Seclin, vous aurez l'occasion de pouvoir assister au concert de Blue Le Bay et de notre ami Canon, qui vont faire des duos et qui vont se produire donc au bureau à Seclin. Donc voilà. Donc je pense qu'il a changé de nom, hein, pour l'occasion. Je sais pas, c'est pas Gibbs Vocali ou quelque chose comme ça. Si, c'est ça, Gibbs Vocal ou je sais pas quoi, mais ça reste quand même Dom qui est le fait. Donc il a une sacrée voix quand même. Hein. J'étais étonné de l'entendre sur Facebook et c'est vrai que c'est. Ah ouais, sans voix du jour. C'est un sacré chanteur quand même. Ouais, ouais. Et est-ce que tu l'as déjà entendu chanter You Raise Me Up? Ah oui, absolument. Ah ouais, non, bah je peux te le faire si tu veux. Non, j'irai écouter sur internet. Bon, eh ben cette fois-ci on va continuer en musique, évidemment, avec la première session du Défi Mix de notre ami Stéphane. Alors, tes premières impressions? Eh ben, ça va peut-être démarrer sans trop de complications. C'est plus la fin qui m'inquiète, mais bon, vous allez découvrir ça. Et puis vous allez découvrir des morceaux qui, comme ça avec le titre, ne vous disent rien, mais je pense qu'en les écoutant quand même, ça devrait vous rappeler des souvenirs. Eh ben, écoute, le Nunu peut-être. Exactement. Ouais, il passera, je pense, en seconde position celui-là. Voilà, eh ben, ça marche. Écoute, eh ben, on y va. Il se met sur ses platines, sur ses deux petites capsules géantes. Yes. M'appelle comment? Hey Martinez, you ready girl? Come on, let's do this gangster. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivant, ton rap, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Je vais m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivant, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, it's a sick time, play un homme like you. Yeah. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis parti. Nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe au bout de ton nez. Sur la scène et compris sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines. Comment on va être cool dans les tiennes. Femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy. Flash sur elle, what's up baby. Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby. Down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, all that I could yeah, say yeah. Was, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah. Mm-hmm, all that yeah, I could say yeah. Was. Treat me so, I don't know you, but I can't let go. You're so fine. I, with your sexy ways, my heart sings, and it sounds this way. Mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, and it sounds this way. musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et on est toujours sur 120 au compteur. Donc, je voudrais vous parler de la fan zone qui va avoir lieu pour le foot. Ah oui, oui, qui aura lieu à côté de chez nous d'ailleurs. Oui, à l'Excel. Donc, sur le parking C du Royal Excel sur Moucron. Alors, il y aura le lundi 18 juin à 17h Belgique-Panama, le samedi 23 juin à 14h Belgique-Tunisie et le jeudi 26 juin à 20h Angleterre-Belgique. Ils vont faire aussi les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et les finales. Ah, donc il y aura un match avec la France. on peut toujours rêver, hein, on peut toujours rêver. Et ça se passe effectivement ici, à côté du stade des Canonniers. Donc sur le parking C du Royal Excelsior à Moucron, donc chez nous. Voilà, absolument. Donc si vous êtes fanat de foot, surtout n'hésitez pas. Il y a déjà les installations, on les voit, elles sont là. Il y a un grand écran à LED et tout ça. Donc je pense que ça va promettre de belles soirées. Je sais pas où ils en sont au niveau de l'équipe belge. Aucune idée. Est-ce qu'ils ont des chances de gagner ou pas la Coupe du Monde d'après vous? Ouais, d'accord, les fans de. Apparemment, ce que j'ai compris, l'équipe belge était assez bonne cette année. Ouais. Ouais. Eh ben, on espère, on va être aussi. Bah, bien sûr. Puisqu'on est quand même quelque part une émission franco-belge, voilà, donc on va soutenir les Français et les Belges. Bon, s'il y a France-Belgique, ça va être un peu plus compliqué, mais. Oui, bah, ce serait sympa, moi j'aimerais bien. J'adorerais. Mais c'est l'esprit sport, allez. Voilà. Bon, en parlant d'esprit sport, on va demander à Sherlock de nous faire une. Une petite coupure. Hein. Voilà, c'est ça. Parce qu'on aime bien parler. C'est un vrai sport pour toi, quand même, au niveau technique, au niveau programmation musicale, c'est quand même pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Et on va repartir avec un titre de 98, c'est Emilia avec Big Big World. Ah oui, et ça, c'est un titre que Arnaud aime beaucoup. Oui, il le passe souvent, je le sais. C'est vrai. Ah si si. Ah non, il est pas beaucoup passé, mais c'est vrai que c'est un titre. C'est un titre que j'aimais bien parce qu'il y a eu deux éditions sur ce titre, une version très calme en slow et une version un petit peu électro qui était sortie juste après. Oui, ça c'est la version électro qu'on va passer ce soir. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'écoute ce titre, je pense à toi. Alors pourtant je ne joue pas énormément, mais c'est vrai que c'est un titre. Il y a un truc, je crois que je t'ai déjà vu mixer. Souvent tu passais ce morceau-là, je pense. C'est certainement ça. Tu m'as déjà vu mixer. Ouais. Bah oui, il vient le samedi soir de 22h à minuit. Voilà, bah bien sûr, je viens le voir, absolument. On reviendra. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe qui a duré 2 ans en fait, hein, je crois. C'était Sco. Bah, pas du tout. Là. Sco, et avec un des chanteurs, un rappeur français qui était mélomane, et le titre c'était Just Another Day. Oui, c'était aussi, juste un autre jour. Ouais. Voilà, merci pour la traduction. Là, c'est maintenant, mais c'est parce que c'est la version française. Qu'ils avaient fait à chaque fois une version anglaise et une version française. Ça donc marche. Là, on repart tout de suite en musique et on revient tout de suite après ça. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do miss you much. Miss you much. Like the way I'm feeling. big, big thing if you leave me. But I do feel I will miss you much. Miss you much. RLM 107.9 FM. La nuit s'achève et c'est une journée qui s'annonce comme les autres. On se plaint de nos problèmes, les montrant comme un emblème. Mais nos avantages seraient une solution pour beaucoup d'autres. Je suis la voix du sage, pas celle du chemin de la haine. Écrire ce que l'on pense et savoir décrire ses pensées. Rester sensé pour donner un sens à son existence. Illusions got me going under, that's the wonder, that's the thing. What's on the brink of the horizon as we sink into the unknown? Is this the edge of destruction or is this life's induction in the higher life's mission? Qui a la réponse à la question? On a attendant la vie suit son cours, demain sera un autre jour. Just another day. Propos de ce monde où l'on vit et où chacun ne s'occupe que de son propre business. Je ne fais pas la morale, mais pense qu'il est normal de parler de ce qui me touche et ce qui me blesse. Quand je vois la violence prendre en otage la conscience et demander une rançon pour assouvir sa soif d'intolérance. Souvent la fiction à la télé sert de modèle, mais fiction en réalité se change en combat mortel. Au bord du gouffre, c'est l'ignorance qui pousse les plus faibles. Je reste vigilant, apprends, observe et plane comme l'aigle. Allons à l'essentiel, retour au naturel. C'est une issue de secours pour de plus beaux jours. Just another day. Yo, talking to the nation, listen to the cool, cause there's no time for wasting. Gots to get my point across to the other side, cause if I help a person, yes I will be satisfied. Aider son prochain, une action qui semble futile. Les relations humaines aujourd'hui nous paraissent inutiles. Un simple bonjour, un sourire fait la différence. Un pas positif en avant contre l'indifférence. Privilégié je suis et me dis que j'ai de la chance. Quand je vois autour de moi tant de peine et de souffrance. Une promesse n'a pas d'effet sur un appel au secours. Je lance un SOS pour de plus beaux jours. Just another day. RLM 107.9 FM. RLM. Dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs maintenant, vous le savez, donc de 20h à 22h, je reçois un petit message. C'est vrai qu'on reçoit régulièrement des petits messages de nos auditeurs et auditrices, et notamment de Patrick et Eva, oui. Qui a adoré en fait la première session de Stéphache. Et on me dit même que Eva était dans son salon en train de danser sur du Calvin Harris. Voilà. Oh, c'est beau, plaisir, c'est beau. Ça met l'ambiance. Eh bien. Je vous promets une chose, c'est que la deuxième session sera tout aussi bonne. D'ailleurs, on a fait le tirage au sort et on va demander à Marine les deux premiers titres de la prochaine session de Stéphache. One Day de Van Kelmout et Asaf Avidal, j'ai du mal à dire son Asaf nom. Avidal, ouais. Et là, et ça fait quoi? Ouais. Ça fait, mais c'est... pour chanter, ça va être compliqué. Ouais. Et Dead or Alive, You Spin Me Round. Ah ouais, ça c'est un peu difficile à mixer. Ouais, c'est Ilwell, d'ailleurs, on se demande toujours. Hein, oui. Arnaud qui connaît le chanteur hein, de... Personnellement. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il est assez androgyne. Ouais, il est androgyne, ouais, carrément. Arnaud. Prince, Girl and Boys et Moloko. Sing It Back. Ah, il y a le groupe, ça. C'est tout ça. Mais non. Ah non, il y a Prince. Bah oui. Ouais, évidemment, évidemment. Ah, voilà. Tout à fait. Mais tu peux nous le faire, Moloko. Ça, par contre, tu peux nous le faire. Non, je suis très très mauvais chanteur. Je préfère laisser Cédric. Qui est un spécialiste du karaoké. Bring it back. Sing it back, bring it back. Pire que lui, c'est pas possible aussi. Stéphane, à toi. Moi, j'ai Eurythmics avec Here Comes the Rain Again. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je ne le chanterai pas. Here comes the rain again. Je reste dans les années 80 avec Michael Jackson et Wanna Be Starting Something. Ah ouais, alors là, pour la chanter, Wanna Be Starting Something. Pas mal. Alors, je rassure nos auditeurs et auditrices, hein, vous aurez la vraie version juste après. Ouais, voilà. Ce sera beaucoup mieux. Le temps de rappeler, c'est vrai qu'on le rappelle jamais, mais on a un numéro de téléphone. Si vous voulez nous faire un petit coucou, nous balancer un com, ou bien tout simplement nous parler d'une actualité qui vous entoure, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Et bah c'est bien. Allez, bon, on repart tout de suite avec. Moi je vous laisse, je vous dis au revoir. Ah bon, oh, bah, ouais, c'est déjà. À demain. Ah, c'est vrai demain, qu'il doit se coucher tôt. 7h, n'oubliez pas de vous connecter, donc, mais même avant hein, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, Arnaud commence à 7h et il le demande tout le temps, il le pleure, il veut des petits pains au petit déjeuner. N'hésitez pas à venir dans les studios lui apporter le petit déjeuner. Il veut un café. Ah, il veut un café, voilà. Donc n'hésitez pas à venir dans les studios pour lui apporter le café. Donc demain à partir de 7h. Tout à fait. Allez, bon courage. Bonne soirée à tous. Salut. Et on se retrouve tout de suite après Soundgarden et Black Hole Sun. Ça date de 94, c'est un titre un peu rock. Et après, on reviendra avec Peter Kitsch, avec, qui ABC était accompagné non. de Olivia, avec ABC pour casser. Through the cream and out. 9 FM. RLM. Mais quelle culotture! Hein? Oui, j'en reste bouche. Mais? Vraiment, je suis là. C'est? De me faire bala. Mais? Pour te faire les addis. J'empêcherai d'être brun. Alors on continue. Tu ne trouves pas que c'est un peu laid? G. Tout ce que tu me rames. H. Mettons les points sur les I. Je vois bien que tu mens, tu roules. G. N'aggrave pas ton K. Je sais, l'amour est cru. L. Ne dis pas que tu m'aimes. Avec cette tête de souhait. M. Ton nez pousse comme Pinocchio. Oh. Et ça me fait plus trier. Et ouais. Pour casser avec toi une seule lettre, ça ne suffit pas. Avec toi, pour casser, il faut l'alphabet tout entier. FM. Eh oui, vous êtes de retour dans l'émission 120 au compteur et je vais vous parler maintenant d'un film que j'ai regardé cette semaine. Et t'as pas dit un petit peu ? Non, c'est vrai. Que j'ai un peu regardé cette semaine. Non, je l'ai beaucoup regardé en plus, mais je l'avais déjà vu. Qui date de 1993 et je vais vous en parler dans la chronique rétrociné. Donc je vais vous donner des petits indices. Oui. Que ce soit des musiques qu'on entend dans le film ou des extraits de dialogue, et vous allez essayer de trouver quel film cela peut-il bien être. Alors, je vais vous donner déjà l'auteur de la musique qui s'appelle George Fenton. Ah ouais. Ouais, ça vous dit rien en fait, hein, non. Forcément. Le film est sorti le 28 juillet 93. Ça nous dit toujours rien. Toujours rien. Le film a fait 521 101 entrées au box-office français, ce qui n'est pas énorme non. en soi. Ça a été un succès ? Alors plus en vidéo après. Ouais, on plus en vidéo, ça. Il est très connu en vidéo. Il a quand même récolté 2 prix, dont un BAFTA et un Saturn Awards, et 6 nominations, notamment au Saturn Awards et au prix Hugo. Ok, donc c'est un film de science-fiction. Un peu, mais pas tout à fait. D'accord. C'est, on va dire que c'est plus une comédie, comédie mais avec une petite touche de science-fiction, effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, je vais vous donner quelques noms de, des noms d'acteurs. Brian Doyle Murray, Michael Shannon, Stephen Tobolowsky, Chris Elliott. Ça, c'est pour les moins connus. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage fictif dedans? Non. Tu pensais à quoi? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, il n'y a pas de personnage fictif. je vais pas y arriver. Donc, je vais peut-être vous donner le premier indice. C'est une musique que l'on entend dans le film. Écoutez bien. Alors, pour ceux qui aiment la musique classique, il s'agit de Rhapsody sur un thème de Paganini. Ça ne vous dit rien du tout. Ouais. Et on rassure nos auditeurs, vous êtes bien sur RLM et non pas sur Radio Classique. Radio Classique. Effectivement, vous êtes sur RLM. Et c'est censé être. C'est quoi? C'est la musique du générique du... Pas du tout. Non, non. C'est une musique qu'on entend dans le film qui est jouée par l'acteur principal du film. Ah ouais. Alors bon, je vais peut-être vous aider un petit peu plus en vous donnant extrait de dialogue. Écoutez bien. Je te demande pardon, tu pourrais répéter? Je suis un dieu. Parce que tu as survécu à un crash? Je n'ai pas fait que survivre à un crash. Je me suis fait écraser, poignarder, empoisonner, congeler, pendre, électrocuter. Je suis mortel. Tu n'es pas un dieu, ça je peux te le promettre. Qui te dit que je ne suis pas un dieu? Je te dis que c'est impossible. Voici Doris, le patron de ce snack et son beau-frère Karl. Elle bosse ici depuis qu'elle a 17 ans et plus que tout au monde, elle espère bien voir Paris avant de mourir. Oh, et elle? C'est Alice, arrivée d'Irlande quand elle était bébé. Elle a vécu ici toute sa vie. Oh, c'est vrai? Comment connais-tu tout? Je viens de te le dire, on ne peut rien me cacher. Tiens, dans 5 secondes, un serveur va lâcher un plateau de vaisselle. 5, 4, 3, 2, 1. Tu me crois? Alors, est-ce que ça dit quelque chose? Bah, pas du tout. Ah, mais je pensais que. Tu me disais en antenne qu'en 30 secondes, ouais, j'allais trouver, mais. Je pensais que t'allais le trouver. Bon, Y a pas un groupe de rock qui fait la BO? Pas du tout. D'accord. Mais pose pas la question de savoir à quoi je pense. Non, non, non. Marine, une idée? Non, bah pas du tout. Ah ouais, tiens. Alors peut-être avec cet extrait-là. Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours, Paris. On est pas à Miami. On en est même loin et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard, comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer. Oui, ça va décoiffer, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante. Et particulièrement froide. Oui, particulièrement froide, mais une question majeure sur toutes les lèvres. Toutes les lèvres, cher, c'est... Oui, les lèvres cercées. Poilonnées. Croyez-vous que Phil verra son ombre à son réveil? Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec Ghostbusters ou pas? Oui. Il y a un des acteurs qui... Ah oui, d'accord. Il y a un des acteurs. Ah, donc voilà, tu as trouvé, je pense, le film. Ah oui, absolument. Ouais. Et on va se retrouver tout de suite après la chanson qui est emblématique du film, qu'on entend quasi tout le temps pendant le film. Ouais. C'est celle-ci. On se retrouve tout de suite. Du coup, ça, c'est un bel indice. Eh ben oui, bien sûr. I got Et oui, c'était donc Sony and Cher avec I Got You Babe. Et oui. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose maintenant pour le film ? Oui, moi oui. Oui, oui, effectivement. Sûr. Alors, Marine, est-ce que tu as une petite idée pour le film ? Une petite idée, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, donc ça compte pas du coup, je pense. Ah, effectivement. Mais tu peux donner un indice. Tu peux donner un indice. Ouais. Merci. Voilà. Moi, si tu peux donner un autre indice alors de cette là. Alors, le film a été fait par Harold Ramis. Tu parles d'un indice. C'est ça que j'allais dire justement. Ah bah voilà. Ouais. Alors bon, je vais vous donner le pitch du film. Mais donc c'est l'actrice principale est connue, non ? Oui, c'est Andy McDowell. Ah bah oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Andy McDowell, et donc l'acteur principal, c'est donc Bill Murray. Oui. Donc c'est Phil Connors, qui est journaliste à la télévision et responsable de la météo, qui part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney, où l'on fête le Groundhog Day, c'est-à-dire le jour de la marmotte. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février. Oui, je me souviens maintenant. Eh oui, et donc, alors, tu peux nous donner le titre vu que... Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est Un jour sans fin. C'est ça, Un jour sans fin, effectivement. Alors, il faut savoir que le titre original du film est Le jour de la marmotte. Et les marmottes, Bill Murray n'est pas prêt de les oublier. En effet, l'acteur aura été mordu deux fois par ces charmantes petites bêtes durant le tournage. Il a même dû recevoir un vaccin antirabique car une de ses morsures était vraiment très profonde. Ah ouais. Alors, Harold Ramis, donc le réalisateur, voulait initialement Tom Hanks pour le rôle principal, mais est revenu sur sa décision, trouvant que Tom Hanks était trop gentil. Ah bon ? Ouais. Il faisait trop gentil, en fait, comme acteur. Il avait également envisagé Chevy Chase, Steve Martin et John Travolta pour le rôle de Phil Connors, mais il les considérait également comme beaucoup trop gentils par rapport à Bill Murray. Oh, d'accord. Donc trop cher dans la vie, c'est plutôt ça, ouais. C'est une façon peut-être, de dire qu'ils étaient trop chers. Pour Travolta, peut-être. Pour les autres, je sais pas, parce qu'à l'époque... Chevy Chase, c'était plus dans les années 70. Ouais, je vois pas qui c'est, mais. C'est celui qui avait fait L'homme invisible. Ah bah, on peut pas le voir alors, du coup. Ah bah ouais, voilà. Alors, il faut savoir que Tori Amos a été pressenti pour jouer le rôle de Rita avant qu'il ne revienne à Andy McDowell. Oh, Andy, non, c'est un bon choix ça. Alors, Andy McDowell. C'est ici la première apparition au cinéma de Michael Shannon que l'on a retrouvé plus récemment dans la peau de Zod dans Man of Steel. Ouais, je sais pas si vous avez vu Man of Steel. Superman. Ouais, c'est ça, ouais. Superman. Alors, Buster, donc le maire de la ville, est interprété par le frère aîné de Bill Murray qui s'appelle Brian Doyle Murray. Doyle, tiens. Oui, Doyle, oui. C'est comme marrant, Sir Arthur Conan Doyle. Ouais, ouais. Comme l'auteur de Sherlock. Je connais un Cédric Doyle aussi. Oui, aussi. Alors, Harold Ramis fait un caméo dans le film en tant que neurologue qui assure à Phil qu'il est en bonne santé, mais devrait peut-être parler à un psychiatre. Si dans le film on ne voit vraiment que 38 journées bien distinctes, des fans ont calculé que pour savoir jouer du piano, sculpter la glace et savoir tout ce qu'il sait à la fin du film, il aura fallu au héros 12 403 jours, soit presque 34 ans. Donc en gros, le film se passe pour lui sur 34 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, une scène fut tournée dans laquelle Phil détruit sa chambre, arrache ses oreillers, tague les murs, etc. Il se rase aussi la tête et la caméra fait un zoom, puis lorsqu'elle recule, son visage, ses cheveux et la pièce sont redevenus normaux le lendemain matin. Mais Harold Ramis a eu du mal à faire le fondu avec l'avant-après, en fait, là où il n'y a plus de cheveux et là où il a des cheveux. De cheveux. Et donc, la scène a été changée en Phil qui casse un crayon. D'accord. J'ai rien compris. Vas-y Marine, tu veux nous faire un résumé ? T'as pas écouté. Histoire de cheveux, de crayon, de fil. Bon, il a pas réussi à faire le... Il devait saccager la chambre, se raser la tête. Oui. Il devait y avoir un zoom sur son visage et quand la caméra dézoomait, on devait le revoir normal avec la chambre qui était normale. Oui. Et en fait, Harold Ramis n'a pas réussi à faire l'effet qu'il voulait faire. Donc en fait, il lui avait juste fait casser un crayon en fait, qui redevient normal le lendemain d'accord. matin. Donc il s'est fait raser les cheveux. On dira qu'il y a eu un problème au montage, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, la première ébauche du scénario se terminait normalement avec Phil en train de se réveiller donc le 3 février pour découvrir que Rita était coincée dans une boucle de son propre temps. Donc c'était normalement Andy McDowell qui devait elle aussi vivre un jour sans fin. Ouais. Donc vous l'avez vu, j'espère. Oui. Oui, il me semble. Ouais. Oui. Marine, tu l'as vu ça date. Oui. Ouais. Coup, ouais. Moi j'avais adoré, c'est vrai que c'est un bon petit film qui rappelle bien les années 80. C'est vrai. Mais non, surtout c'est en 94. Non, c'est les années 93, hein, mais sinon c'est pas grave. Ouais. Bon, bah écoute, on se fait une petite coupure musicale. Oui. Et puis on va retrouver la deuxième session. Bah, je pense qu'on va peut-être démarrer même directement. Ah bah, ouais, soyons fous. Allez. À propos de boucles temporelles, hein, on va se lancer dans le mix. Allez. Ça va être la surprise. Je vous le dis tout de suite. Ouais, tu démarres par quel titre alors? Michael. Non. Pas Michael, non. Prince. Oh, le rival, son grand rival. Grand, oui. Ouais, pas par la taille. 1m58. 1m58, Prince. Ouais. 1m75, Michael Jackson. Super, tu sais tout, toi, mensuration et tout. Ouais. Et en pantalon, il faisait du combien, Michael Jackson? Je sais pas. Mais du pas beaucoup. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti.

Première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. RLM, et je cours d'un studio à l'autre, hein. Vous me faites faire du sport, hein. C'est vrai. Hein. C'est ça, ouais. Entre la table de mixage. Et t'as croisé Sophie au passage. Oui, oui, d'ailleurs, j'ai salué, pas de soucis, de ce côté-là. Sophie, qu'on retrouve donc demain matin pour le Flash Info dans l'émission donc, de Arnaud. Non, c'est l'horoscope, Sophie. Ah, c'est Sophie, ouais, je confonds à chaque fois. Mais c'est qui la belle blonde qu'on voit qui fait les interviews journalistiques? Ah, c'est Fanny Lamblin. Ah, c'est Fanny. Oui, voilà. c'est une nouvelle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps à la radio. Okay. C'était Barbara Roubrecht et bah là c'est vrai que je l'entends plus, je la croise plus dans les couloirs pour l'instant, elle est peut-être en vacances. Je sais qu'il y a également Thomas Lelong, oui. Qui fait partie de la rédaction de. D'ailleurs, de on salue au passage Thomas, bien sûr. Écoute. Et par contre, je sais que c'est Marine qui écoute beaucoup l'horoscope de Sophie. Ah oui. Tous les matins. Ah ouais, ouais c'est bien, c'est bien. Bon, Stéphane, vous m'en faites faire. Ouais, bah ouais. Alors merci hein, pour ce défi mix, pour ce tirage au sort. Hein. Moi, je me suis bien amusé en tout cas. Ouais. Alors, et si on veut t'entendre en live, bah écoute, il y a un événement qu'il faudra pas louper. Alors, justement, il y a un événement qui va se dérouler à la fin du mois de juin et puis donc sur les premiers jours de juillet. C'est au niveau de Moucron, du quartier du Riscontou. C'est le CCRT Festival, donc organisé par les commerçants du Riscontou. Ça va se dérouler à partir du vendredi 29 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Alors, entre autres, tu dis qu'on va me retrouver parce que effectivement, le samedi soir, il y a un DJ contest. Ouais. Enfin, plus précisément, le samedi après-midi. C'est une battle, en fait, hein, quelque part. Voilà, donc il y a... On va dire qu'il y a une dizaine de DJ qui ont été déjà présélectionnés. Et d'ailleurs, via la page Facebook, vous avez la possibilité de voter pour votre DJ préféré. Et celui qui aura le plus de votes aura le meilleur horaire de passage. Donc autrement dit, plus tard dans l'après-midi. Et pour faire ensuite, donc celui qui sera retenu ensuite aura l'occasion de faire l'ouverture de la soirée qui suit. Parce qu'on attend du beau monde. Donc je vais vous donner un petit peu quand même la programmation. Ah bah oui, bien sûr, absolument. Donc bon, on va commencer. On va rester sur le samedi puisqu'on a commencé par le samedi. Mais derrière ce DJ contest, on aura le Summer Beach Party avec des DJ quand même comme DJ HS. Ah ouais, bien. Ferlin Pimpin. Ah oui. Andy Clay, Slidy. Ouais. On aura, alors il y aura une deuxième scène aussi hein, ce soir-là, donc il y aura aussi du live. Là, il y a le live d'Emily de 20h à 22h. Et bon, plutôt dans la journée, pas les midi. La boîte à musique. Pas les midi qu'on connaît également. Non, mais de la boîte à musique, Emily Verbach. Alors attends, live d'Emily. Oui, c'est bien elle, de la boîte à musique d'Emily. Ouais. Donc, alors on va revenir sur la journée d'avant parce que ça démarre quand même le vendredi. Il fait du jour. On va faire un comeback. On va parler d'un jour sans fin et il revient lui aussi. On va revenir sur le vent. On va parler du vendredi parce qu'il y a quand même une soirée. T'inquiète, il reste années 80. Années 80, ça doit te parler. Ah oui, carrément, bien sûr. Soirée folie 80 dès 21h avec DJ Stéphane Bart. Ouais. Quand même bien connu hein, dans le milieu. Un vrai pilier, lui. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un vrai pilier. C'est un vrai pilier. Babar. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bravo. Il y a Marine qui se demande quoi. Alors je rappelle. Merci. Je rappelle que comme il y a quand même deux scènes, il y aura aussi du live de l'autre côté avec le concert de Stag Stone. C'est un cover band de rock des années 60 à 90. Ah ouais, donc c'est vraiment éclectique. Hein. Ouais, c'est très éclectique. Bon, alors le programme est plus complexe. Il y a un tas de choses. Il y a du foot. Enfin, il y a des animations, y compris pour les enfants. Il y a un thé dansant le dimanche. Enfin, je vous conseille de consulter la page du CCRT Festival sur Facebook. Puis on relaiera les informations via la page. Ah bah complètement, puisque 220 au compteur et puis bah moi-même également. Bien sûr. Donc donc toi pour l'instant tu passerais vers quelle heure? Alors le samedi, bon je dirais qu'à mon avis ça va être certainement vers 17h pour l'instant. Bon donc il faut voter pour toi. Il faut cliquer pour que tu puisses passer un peu plus tard en fait. Voilà, ça démarre à 13h, hein, le contest de 13h à 19h. Ouais. Et donc bah, continuez à voter. Alors puis, comment fait-on alors? On va sur ta page directement. Vous allez sur ma page, vous allez sur la page 120 au compteur. Vous n'avez pas l'image, mais ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour ici. Merci Sherlock. Donc, sur ma page ou sur la page de 120 au compteur, vous cliquez bien. Et ça se passera bien. Ça marche. Bon, ok. Allez, ensuite. Allez, on se retrouve tout de suite après Overphonic et Kate Ryan, une petite session belge, vu que c'est bientôt la Coupe du Monde. On est en Belgique. Dans son fond, chercher le rapport. C'est bientôt la Coupe du Monde. On va écouter Overphonic. Bah ouais. Bah, parce que Overphonic, c'est des Belges. Bah ouais, oui. Bah, la Coupe du Monde, c'est. Oui, oui d'accord. Bah, on est en Belgique. Oui, d'accord. On est dans un stade de foot. Bah oui, oui. Il y a la fan zone aussi. Voilà, il y a la fan zone qui est juste à côté de la radio. Pas du tout. Pas du tout. Arrête de gesticuler, on voit la musique. Allez, c'est parti. Feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think. Mylène Farmer, merci. Hein. c'est pas Mylène Farmer. Non, hein. C'est Kate Ryan. Ah ouais, donc oui, je disais d'ailleurs en antenne qu'on comprenait les paroles. Kate Ryan qui n'a fait que des reprises, je pense, non. Parce qu'il y avait un autre titre aussi, il n'y a pas la promesse ou quelque chose comme ça, non. Je ne sais plus, non, mais c'est une reprise. Il n'est pas en français, non, quelque chose comme ça. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un artiste belge qui faisait des reprises. Bon. Eh bien, on a fait un tirage au sort pour la dernière session donc, de Stéphage, parce qu'effectivement, le temps tourne, et il tourne très très vite. On n'est pas comme dans un jour sans fin. Et donc, on va demander à Marine le premier titre. Oui. Matt Bianco, More Than I Can Be. More Than I Can Be. Ouais. Ouais. More Than I Can Bear. More Than I Can Bear. Voilà. Donc, et Rockwell, avec Somebody's Watching Me. Ah, bien. Ah, pas mal. Ouais. Et il y a du Michael Jackson d'ailleurs. Oui, il y a du Michael Jackson. Il y a une histoire derrière d'ailleurs. Oui, oui, bah, tu me l'as rencontré une autre fois. D'accord. Oui, quand c'est nous qui parlons, tu fais beaucoup de gestes. Hein, tant que... Sinon aussi, on va te speeder. Et moi, j'ai Sandra avec In the Heat. Oh, merde, je me casse. Hit of the Night. Et j'adore Sandra. Ouais. Donc, c'est Sandra avec In the Heat of the Night. Et toi, Sherlock? Et moi, alors, pour parler plus longtemps, moi j'ai pris un long titre. C'est Jamtronic featuring Nikita Warren avec Another Day in Paradise. Bon, bah, petite coupure musicale, sortie Sinoche et puis dernière session de Stéphane, c'est un bon programme. Ouais, ça. Alors on va se retrouver tout de suite après Amy McDonald avec This is the Life. Ouais, c'est bien. Et on revient tout de suite après pour les sorties ciné. Ouais. Allez, c'est parti. Thank you. C'était donc Amy MacDonald avec This Is The Life. Et donc là, je vais vous parler des sorties cinéma. Avec les sorties ciné pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec le film Volontaire. C'est un film avec Lambert Wilson, Diane Rouxel et Corentin Fila. C'est un film de Hélène Filière. Ça sort en France. Non, c'est sorti en France, pardon, la semaine dernière, donc le 6. Et donc c'est Laure qui a 23 ans, elle se cherche. C'est dans la Marine nationale qu'elle va trouver un cadre, une structure, des repères solides et persévérantes. Elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie. Donc elle va se retrouver en gros sous les ordres de Lambert Wilson, qui est un général ou un commandant qui est assez strict. Misogyne. Et en gros, bon non, pas forcément misogyne, mais apparemment elle va essayer de rentrer dans les paras. D'accord. Donc c'est un para, film... Parapou Non, par amour. Ah. Alors, ensuite, il y a la grosse sortie, on va dire, de ce mercredi. Ça sort en France et en Belgique. C'est Ocean's 8. Ah oui, tiens. C'est avec Sandra Bullock, Cate Blanchett et Rihanna. Et c'est un film de Gary Ross. Donc, c'est la sœur de Danny Ocean, qui est jouée par Sandra Bullock. Débit qui rassemble les talents d'une équipe de pros de l'arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les Oceans. Ils reprennent en gros la série de Ten, c'est ça, Eleven, qui s'était arrêté il y a environ 10 ans quand même, hein, ouais, donc, ouais. C'était Steven Soderbergh. Donc, mais ça a l'air pas mal. Franchement, au vu de la bande-annonce, ça a l'air Sandra Bullock déjà, ouais. Ah ouais, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna quand même. Mmh. C'est pas rien. Enfin, Rihanna, ouais, je demande à voir. Oh, elle est pas mauvaise. Elle avait déjà joué dans Battleship. Oui, c'est vrai. C'était pas trop mal. Franchement, c'était pas trop mal. Alors, je vais passer aux sorties France avec le film Comment tuer sa mère. C'est un film avec Vincent Desagna, Chantal Latsou et Julien Arrouty. Donc, Julien Arrouty, c'est le chauve dans la bande à Fifi, hein, Philippe Lachaud. Oui, d'accord. Ceux qui ont fait Babysitting. Oui. Ouais. Et puis, je sais plus, le Alibi.com. Et c'est un film de Morgan Spielmaker, donc c'est tiré d'une pièce de théâtre qu'il a également montée, et donc on n'a pas encore de date par contre pour la Belgique. Donc c'est dans la famille Moret, les trois enfants n'avaient certainement pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée et dépensière. Pour Nico, l'aîné, donc qui est joué par Vincent Desagna, qui les entretient tous, c'en est trop. Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale, assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi. C'est une comédie. Ouais, c'est ça, une grosse comédie bien déjantée. Et je vais finir avec Midnight Sun, alors qui est, je veux dire, un petit peu mon coup de cœur de la semaine. C'est avec Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, qui est le fils de Arnold Schwarzenegger, et Rob Riggle. C'est un film de Scott Speer, et ça sort en Belgique le 27 juin. Donc c'est Cathy, qui est une adolescente de 17 ans, qui est belle, intelligente et douée pour le chant et la guitare. Mais sa vie est loin d'être parfaite, atteinte d'une maladie rare qui lui interdit de voir la lumière du jour. Elle est confinée chez elle pendant la journée. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle s'ouvre au monde, s'aventurant à la gare pour jouer de la guitare pour les voyageurs. Une nuit, son destin bascule lorsqu'elle rencontre Charlie, un athlète du lycée qu'elle admire secrètement depuis des années. Prête à tout pour se rapprocher de lui, Cathy lui cache sa maladie. Ils passent ensemble un été idyllique qui bouleversera leur vie pour toujours. Tu m'en voudras pas si je t'ai pas écouté, Sherlock. Non, mais je sais, t'es en train de préparer ton mix. Parce que si forcément. Tu me demandes quel film j'irai voir, je ne sais pas du tout. D'accord, Marine, t'irais voir quoi ? Comment tuer sa mère. Ah, comme oui, ouais. Ça a l'air sympa. Moi aussi, je viendrai avec toi, Marine. Et toi, ouais. Sherlock ? Moi, Ocean's 8. Pour eh ben, voir c'est super. Un petit peu, bah, maintenant, on va faire la session de Stéphane. On va démarrer avec Matt Bianco. Ah, bah oui, ah, c'est bien. Voilà. Et puis, on verra bien. Ok, allez. Dernière session de Stéphane. Alors, si vous voulez nous balancer vos coms, n'hésitez pas sur notre page Facebook ou alors aussi nous appeler. À quel numéro ? 056 34 11 81 ou depuis la France, 00 32 56 34 11 81. You. les dents, ce Rockwell, non? Ah oui, mais carrément. Donc, petite session, hein, cette fois-ci, un peu pris par le temps. Session speed, mais moi, des morceaux que j'aimais bien. Enfin, surtout les deux dernières. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Sherlock trépigne d'impatience de nous donner une anecdote sur, oui, sur Rockwell. Sur, oui, effectivement. Donc, Rockwell, donc, qui est le fils de Berry Gordy, donc le patron de la Motown, où Michael Jackson officiait avec les Jackson 5. Quand ils ont quitté la Motown pour former les Jacksons, Michael ne pouvait plus chanter normalement. Donc là, en fait, il apparaît sur le titre, mais il n'est pas crédité. Voilà. Ah ouais, belle anecdote. Franchement, c'est. Voilà. Ouais. On dormira, moins bête. Ouais. Bon, eh bien, il nous reste quelques instants pour vous rappeler qu'effectivement, on retrouvera donc Stéphane le mois prochain. Le mois prochain pour le prochain défi mix. D'ailleurs, voilà. Ça sera dans 3 semaines, hein, puisque. Ah bah oui, pour le coup, c'est le premier mardi du mois, bien sûr. Mais surtout, on te retrouve samedi. Eh bien, on me retrouve samedi sur le créneau 20h-22h pour Mix H, avec donc 2 heures de mix des années 80 à aujourd'hui, mixé au tempo. Et puis, donc, une bonne entrée en matière pour la soirée du samedi. Et juste après, vous retrouvez bien sûr Arnaud Tirard avec Mix Party de 22h à minuit, ce qui vous fait quand même 4 heures de mix non-stop sur RLM. Ça va être du lourd, ça va être du bon. On remercie aussi Marine d'être avec nous et qui nous parlera donc la semaine prochaine de la fête de la musique. Oui, il va se passer des choses le 21 juin, donc tu nous en parleras, ce sera quelques jours juste avant le 21 juin. Merci Sherlock. Mais je vous en prie. Pour le rétrociné 80 et les sorties. Non, pas rétrociné, c'était normal. Ah oui, je sais pas pourquoi je dis 80 à chaque fois, c'est dit, je sais pas. Je sais pas savoir. Mais toi, bon. T'aimes bien les années 80. Ouais, j'adore ça. Eh bien, on va se quitter sur un dernier titre et le temps. Non, on va pas se quitter sur un dernier titre. Non, on se quitte comme ça. Alors, On se quitte comme ça, bah oui. Comme ça. Non. Allez, bonsoir à tous. Et puis, restez bien sûr à l'écoute de RLM 107.9. Et puis on se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne. C'est ça. Ciao, bye, salut tout le monde. Ciao.